Cher, FRG, Lucie Bernard Denis, pour toi Sarah, yeah. Rencontre, destin croisé. Cher, let's go. Ok. Voilà mon histoire, moi qui me croyais seul en peine d'amour. Il y a peu de temps, j'ai rencontré une fille comme par hasard. Pire que mon cas, la pauvre a des blèmes de cœur. Tu sais, la vie est faite ainsi, faite de plaisir et d'ennui. Je ne suis pas le seul à avoir déprimé. C'est quoi l'amour? C'est des sentiments partagés. Elle comme moi le savent très bien, mais elle, son histoire est encore plus triste. Je te jure Seigneur, cette fille ne mérite pas ça. Je voudrais vraiment qu'elle se sente heureuse. Pour moi, on ne peut rêver mieux. Je ne peux pas m'empêcher de la voir. C'est plus fort que moi, je partirai seulement une fois que tu iras mieux. À mes yeux, ce sont des destins croisés sur la route de l'innocence. Mais voilà, en ce moment, je ne pense qu'à toi. Tu sais, je voudrais bien te voir. Yeah. Yeah. Tu sais, entouré de tes potos, tu peux leur faire confiance. Là pour t'aider, ils le sauront, t'inquiète. Pense à t'amuser, tu verras que ça passera. Mais tu le sais quand même, tu ne vis que pour mourir. Donc ta vie est importante, alors prends du courage et de ce pas. Ne désespère pas, et les dis, c'est dur, c'est sûr. Mais dans ta life, pense que tu es encore en vie. Alors remets-toi en question, tu n'es pas faite pour déprimer. Pas une vie aussi belle que toi, non, c'est pas possible. Comme dirait l'abbé Pierre, essaie de prendre sur tes malheurs pour ne prendre que du bonheur. Et pour moi, ce serait que bien, les dis, on peut pas tout avoir. Mais pour faire un choix en même temps, pour prendre des conseils, ça te ferait comprendre. Beaucoup de choses à apprendre de toi, je le sais, car de peu on se connaît. Mais dans le prochain couplet, tu verras ce que je veux te dire. Yeah, écoute. Lady. Le temps que se connaît, pourtant un grand frisson. Trop tôt je le sais, mais infiniment pour moi. Trop belle tu es, trop cruelle pour moi. Trop cool tu es, comme un light pour un sens. Trop gentil tu es, une ironie dans le ciel. Trop sensible tu es, comme mon âme n'est pas seule. Alors lady, tu vois, comme vous les filles, nous les mecs, on n'est pas plus différents. Ne crois pas que tous les mecs soient si stupides. La vie d'un côté, la mort de l'autre, la famille d'un côté, ses potos de l'autre, l'amour d'un côté, la violence de l'autre, mon rap d'un côté, ma life de l'autre, ma vie d'un côté, la tienne de l'autre, le passé d'un côté, le futur de l'autre. Donc tu m'as compris, c'est comme le yin et le yang. On est des êtres de l'humanité, on vit tous sur cette putain de planète. Sarah, l'avenir est à toi, c'est ton destin, écris-le pour toi, Sarah. Pour toi, je suis là, ce qui pique ton cœur. Un signe, un geste, rien qu'une parole pour que tu rendes les gens heureux. Voilà, c'est pourquoi que ton histoire ne s'achève pas là. Yeah, yeah, avec Lucie, je suis mes pas. Nous marcherons vers demain. Je suis mes pas. Je suis mes pas. Je suis mes pas. Cheer. Ok. Et nous marcherons vers demain. Cheer. FR Julie. Lucie Bernard Denis, pour toi Sarah, 2009. Ha!